Je suis opérationnel. 1, 2, check, check. Je suis opérationnel. Nat Mendoza. Karma. Je suis opérationnel. Écoute frère, un cuir, une coupe fraîche. À Paname, je suis opérationnel. Je suis opérationnel. Je suis discret, j'ai des lyrics frais. À Bobo, je suis opérationnel. Je me lève à 15h, KO, presque en train de crever de soif. J'ai ken la sosie à Zao, je l'ai fait pleurer de joie. Une dizaine d'appels en absence, texto, messagerie pleine, faut que je file au studio, let's go. Encore en état d'ivresse, faut que j'aille pignoler mon disque, j'espère niquer le chiffre. La concurrence ne pense qu'à dormir ou s'astiquer le chibre. Juste un conseil, stop le rap, si t'as pas de fric et t'en chies. 100% vrai, la plupart des MC sont fabriqués en Chine. J'suis OP, le public aime ça, mon flow, mes jolis textes, c'est du lourd. Comme Dolor, Tony Denza ou Tony Tech, c'est grave bizarre. Quand j'kick, on me dit, toi t'as la dalle, bah ouais, j'pense qu'à la gagne et finir premier comme ma Capiva, ça dérape. Chérie, ton mec t'a promis ta Ferrari, ça se fait hard. T'as du zap et que les mecs connaissent, ça se fait rare. Ce con est en gardave, c'est dur. Au poignet y'a de la ferraille, moi j'suis dans le futur comme un Cap Canaveral. Je suis opérationnel. On me dit continue, tu déchires. T'as toujours du son qui distribue des gifs. Je suis opérationnel. Écoute frère, un cuir, une coupe fraîche. À Paname, je suis opérationnel. Je suis opérationnel. On me dit continue, tu déchires. T'as toujours du son qui distribue des gifs. Je suis opérationnel. Je suis discret, j'ai des lyrics vrais. À Bobo, je suis opérationnel. Moi, je regarde The Wire. Toi, l'inspecteur Bellic, c'est Bellic. Quand je mets les gaz, toi, t'es sur ton Vélib. Gardien de mon frère, comme Rick Ross ou Bellic. Bad Gellic, t'en arrivé, yeah, yeah, à Delic. Si le rap est mort, comment vous appelez ça? Ça rappe sur les sapes et les chats, et ça télécharge. Broum, broum, t'es mal, là je démarre. Toi t'es mal, car les mains ont la démarche d'un T-Max. J'suis ni dans le bling bling ou dans les trucs publics. J'veux vivre flip, Dixit, le type avec des big lips. Merde, j'y pense, do you speak English? Pénis dans la France, j'y vais tout doux pour qu'il glisse. L'esprit de vengeance, moi, pour vous, j'suis Kill Bill. Toujours tranquille, fils, en Lévis ou en Boubou. Mon rap de la frappe, man, je tire à 100 mètres. J'suis opérationnel, négro, j'perds à chambler. Je suis opérationnel. On me dit continue, tu déchires. T'as toujours du son qui distribue des gifs. Je suis opérationnel. Écoute frère, un cuir, une coupe fraîche. À Paname, je suis opérationnel. Je suis opérationnel. On me dit continue, tu déchires. T'as toujours du son qui distribue des gifs. Je suis opérationnel. Je suis discret, j'ai des lyrics vrais. À Bobo, je suis opérationnel. Moi, je regarde les experts Miami. Toi, Ugly Betty, tu t'habilles à qui habille. Quand je rappe, t'as les yeux qui pétillent et le cerveau qui fait tilt. Mon papa à moi est un gangster mytho, ça c'est ce que ta fille a dit. Je bloque les rappeurs comme une sciatique, c'est qu'on fond les poubelles du showbiz. C'est chaud, ils prennent mes couplets comme des coups de pelle. Du shopping, j'ai pas le temps, je prépare un tube. À l'arrache, tu risques de tomber de haut comme les chutes Niagara. Je suis opérationnel. On me dit continue, tu déchires. T'as toujours du son qui distribue des gifs. Je suis opérationnel. Écoute frère, un cuir, une coupe fraîche. À Paname, je suis opérationnel. Je suis opérationnel. On me dit continue, tu déchires. T'as toujours du son qui distribue des gifs. Je suis opérationnel. Je suis discret, j'ai des lyrics vrais. À Bobo, je suis opérationnel. Je suis opérationnel.